Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Alors bonjour, nous allons poursuivre notre enquête sur l'origine du Dieu Yahvé. Nous avons vu la semaine dernière la question de la prononciation du tétragramme ou peut-être d'une forme plus bref. Nous avons aussi vu pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à la prononciation de ce nom, mais nous n'avons pas encore vu ce que ce nom a signifié. Alors, avant d'entamer cette discussion, il faut peut-être relativiser un peu les choses, parce que souvent on a discuté de manière très passionnée sur la signification d'un nom, mais posez-vous la question de combien de noms propres vous savez vraiment la signification. Est-ce que c'est si important, si vous appelez quelqu'un, de savoir ce que veut dire étymologiquement son nom? Peut-être il faudra aussi un peu se poser la question par rapport à Yahvé. Est-ce que c'est si important de savoir? Ou est-ce que ceux qui ont invoqué ce nom, 1000 ans avant notre ère, est-ce qu'ils savaient exactement ce que ce nom veut signifier? Ben, nous allons voir un peu les hypothèses qui ont été avancées. Ce qui est clair, c'est que le texte biblique, alors là, il n'y a pas de doute, le texte biblique, fait une interprétation à partir de la racine Haya. C'est le texte que nous avons vu la semaine dernière, où Moïse demande le nom à Yahvé, et c'est lui qui répond « Ehyé asher ehyé ». Je suis celui que je suis, ou je serai que je serai. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que pour l'auteur de ce texte, il s'agit vraiment de l'explication étymologique du nom, ou est-ce que c'est plutôt une sorte de réflexion théologique sur un nom qu'on ne peut pas tout à fait comprendre? Je suis que je suis, ça ne te regarde pas. Néanmoins, beaucoup de spécialistes ont pris la piste d'une racine signifiant quelque chose comme être. Ce qui était très à la mode à un moment, c'est de partir des noms propres amorites qui sont attestés à Marie, où vous avez par exemple Yahvi Ilum ou Yahvi Adad, que il ou que Adad est, soit, qu'il se manifeste. Et donc là, évidemment, le verbe être est une partie d'un nom théoforme porté par des humains. Néanmoins, Wolfgang von Soden, grand assyriologue, a dit que Yahvé vient en effet de ce Yahvi, il est. Mais il y a l'absence à un nom divin, donc le nom divin, ce sera simplement il est. Et von Soden avait dit, ben voilà, ça montre justement la supériorité spirituelle des anciens Hébreux qui, contrairement aux autres peuples nomades, avaient déjà en effet une conception universelle de leur Dieu. Alors là, je pense que c'est une réflexion peut-être plus théologique que historique. Une telle explication, à mon avis, est peu plausible. Maintenant, d'autres ont continué sur la piste de la racine « être », en y voyant une forme causative, parce que pour ceux qui savent l'hébreu, si vous avez un « a » sous la préformante, c'est une forme causative, un « hifil ». Donc, Albright, par exemple, avait dit, en fait, le nom originel de Yahvé, ça aurait été « El Yahvé Yisraël », c'est-à-dire ça aurait été un nom de « El ». El qui fait vivre, qui appelle à l'existence Israël. Et donc, on aurait gardé simplement la forme verbale de nouveau. C'est lui qui fait vivre. De nouveau, ce n'est pas, à mon avis, très plausible, d'autant plus qu'en hébreu, on n'a pas de forme causative de la racine être, ce qui n'a pas empêché son élève Cross d'imaginer quelque chose de comparable avec une autre expression qui est souvent attestée dans la Bible, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle veut signifier, « Yahvé Tsevaot », donc « Yahvé des armées ». Et là, Cross dit, mais en fait, à l'origine, c'est « El Yahvé Tsevaot », « El qui crée l'armée céleste ». De nouveau, c'est assez spéculatif. Les deux, en fait, concordent dans l'idée que Yahvé aurait été, si vous voulez, une sorte de nom donné au dieu El, le grand dieu du panthéon cananéen. Ça, c'est une question que nous devons reprendre dans un autre contexte, se basant évidemment sur les récits des patriarches, puisque dans les récits des patriarches, on ne parle pas très souvent de Yahvé, bien sûr, on en parle aussi, mais souvent de El, en pensant que la religion des patriarches reflèterait peut-être un stade antérieur, en fait, avant le yahvisme de l'époque de la monarchie. Mais tout cela reste très spéculatif. Également, l'idée d'un néerlandais de mort qui dit, en fait, Yahvé signifie à l'origine Yahvé El, donc un jussif, que El soit présent, à la manière de Jacob, le nom de Jacob, qui à l'origine signifie Jacob El, probablement, ou quelque chose comme ça, que El protège, que El aide. De nouveau, il y a un problème. De mort dit, en fait, c'est d'abord, parce que Jacob, ce n'est pas un nom divin, mais de mort dit, en fait, Jacob, bien sûr, ce n'est pas un nom divin, mais c'est un nom d'ancêtre. Et les ancêtres peuvent être divinisés. Ça arrive parfois, c'est vrai. Mais donc, Yahvé El aurait été le nom d'un ancêtre qui ensuite aurait été divinisé. Vous voyez, on est dans la grande spéculation parce que nous ne connaissons pas d'ancêtre qui s'appelle Yahvé El. Tout cela est dans la grande spéculation. Et donc, c'est pour cela que d'autres ont choisi d'autres pistes. À partir de la forme brève, Yah. Donc, vous vous souvenez, nous avons vu que dans certains textes bibliques, Alléluia, ou simplement dans d'autres textes poétiques, au lieu d'avoir l'ensemble du tétragramme, on a cette forme brève. Et Mowinckel, exégète scandinave, avait dit que la forme originelle de Yahvé, ça aurait été une sorte d'exclamation cultuelle. Yahuwah, c'est lui, voici c'est lui. Parce que le Huwa, c'est simplement le pronom personnel, et ce sera exclamé Yahuwah, et puis Yahuwah, ça aurait été ensuite Yahweh. C'est très joli, mais de nouveau, on n'a pas tellement d'attestation d'un tel développement qui a été repris récemment par un Espagnol, López Pego, qui pense aussi que Yah était à l'origine exclamation cultuelle qu'on aura substantivée pour en faire une divinité. Mais je pense plutôt dans l'autre sens que Yah est plutôt une abréviation d'un nom plus long comme nous l'avons vu. Et je vous cite encore une autre tentative du père Cazel, Henri Cazel, que certains connaissent certainement. Et lui, il a proposé la signification « le mien » à partir de l'acadien Yahou, qui est à moi. De nouveau, c'est plus théologique que philologique, parce que Cazel pense, en effet, là, c'est le Dieu personnel, le Dieu qui prend soin de chacun. Et donc, vous voyez que très souvent, en fait, quand on s'interroge sur le nom divin du Dieu d'Israël, on glisse très, très facilement dans l'homélie ou dans la théologie. On oublie un peu la philologie et l'étymologie. Donc, je pense qu'il faut se méfier un peu de ces tentatives. Et en réaction un peu à cela, nous avons des gens qui disent « Est-ce qu'il faut toujours partir de cette piste d'une forme verbale ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu de côté le verbe « être » ou les formes brèves, et imaginez Yahvé comme un substantif, simplement. Alors ça, c'est Tropper. Vous aurez, bien sûr, toute la bibliographie à consulter sur le site du collège. La distribution des papiers est apparemment un peu trop compliquée, donc vous devez vous contenter à consulter donc, le site. Vous avez tous les documents qui vous intéressent. Alors Tropper, justement, dit que c'est très difficile de voir le nom Yahvé comme dérivant d'une forme verbale. Du coup, la première lettre, le yod, devrait donc faire partie de la racine du verbe et pas une indication de la troisième personne, hein, pour ceux qui savent l'hébreu. Donc ça devrait être quelque chose comme yod he vav, ou vav he vav, ou vav he yod. Mais le problème, il n'y a pas vraiment de racine sémitique à partir de laquelle on pourrait expliquer le nom, sauf si on fait une explication comme le fait Görg, mais où le iod reste nouveau un peu en trop. Lui, il pense qu'il peut s'agir de la racine Havwa, qui est attestée une fois dans le livre de Job, dans la Bible, où il s'agit de la neige qui tombe. Et Görg dit, en fait, ça peut être celui qui tombe, un nom qu'on donne à un oiseau de proie qui descend, qui tombe sur ses victimes. Et puis, Yahvé pourrait être une sorte d'aigle ou de vautour. C'est aussi très spéculatif. On pourrait quand même dire qu'en Exode 19, Yahvé se présente en fait en disant « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle ou sur des ailes de vautour. » Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que nous n'avons pas d'attestation sémitique d'un nom d'oiseau avec Hava, donc je pense qu'il faut peut-être quand même y renoncer, bien que Görg dit que certains oiseaux de proie peuvent être vénérés chez des Arabes pré-islamiques, mais je n'ai pas vraiment trouvé les indications très précises. Donc je pense qu'il faut quand même rester plutôt à l'idée d'une forme verbale, donc d'un inaccompli, la conjugaison à préformante. Par exemple, on a à Marie un dieu qui s'appelle Ixudum, c'est lui qui atteint, qu'est-ce qu'il a atteint, on ne sait pas trop, c'est un dieu qui voyage donc de Marie, pas très loin, de Marie à Terka, et on lui offre là un sacrifice. Donc c'est en fait une construction, en effet, d'une troisième personne, d'une conjugaison à préformante. Et à partir de cette observation, on a imaginé une forme verbale à partir de la racine Hava, qui en hébreu est Hava, il détruit, c'est lui qui détruit. Donc Yahvé sera le destructeur. Ce n'est pas un nom très drôle pour une divinité, le destructeur, mais pensez à Exode 12. Exode 12, au moment de la Pâque, il y a le destructeur qui vient dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer le nom de Yahvé? C'est un texte unique et puis ce n'est pas la même racine, donc c'est un peu compliqué. Alors, Axel Knauf fait une autre réflexion qui est intéressante. Il dit « Si Yahvé est une divinité qui vient du Sud, ça nous allons y revenir tout de suite, alors il faudrait peut-être chercher des parallèles auprès des divinités arabes pré-islamiques. » Et il en trouve. Il en trouve deux, Yahout et Yahouk. C'est des noms qui sont attestés d'ailleurs encore dans le Coran et dans le Kitab al-Asnam, c'est une sorte de compendium des paganismes pré-islamiques du 8e siècle de l'ère chrétienne. Là, on trouve en effet ces deux divinités. Donc, ils sont mentionnés dans le Coran où, justement, dans la sourate 71, on dit, voilà, il ne faut pas... Donc les chefs de ces dieux disent qu'il ne faut pas les abandonner, mais évidemment, il faut les abandonner. Donc on les a encore à cette époque-là. Et si on veut appliquer une construction possible pour Yahvé, ben on a en effet une racine possible. On a une racine possible qui est la racine He, W, He, Wav, Yod. C'est une racine qui est attestée dans les langues sémitiques qui a trois significations. Désirer ou se passionner. Tomber, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ou souffler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, vous avez la première et la deuxième signification. Vous n'avez pas la troisième. Et pourquoi vous n'avez pas la troisième? Peut-être parce qu'elle est devenue taboue, parce que c'était la racine avec laquelle était construit le nom de Yahvé et qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour d'autres choses. Donc, si on suit cette explication, on peut simplement revenir à une hypothèse qui date plus d'un siècle et qui a été donc avancée par Julius Wellhausen, un des très grands noms de la recherche biblique qu'il faut lire encore aujourd'hui. Et lui, en effet, avait dit « Yahvé, c'est celui qui traverse les airs, qui fait venir le vent, qui souffle. » Et ça donne, en effet, une explication tout à fait plausible si Yahvé est un dieu de l'orage, un dieu de type Hadat, un dieu de type Baal. C'est celui qui amène le vent, c'est lui qui fait souffler le vent. Et nous allons voir, en effet, que c'est une des fonctions primitives du dieu Yahvé. Donc, cela me semble, en effet, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la meilleure explication. Donc, je n'ai pas de nouveauté à vous proposer. J'ai plutôt un retour, mais peut-être un peu mieux informé, parce que Wellhausen n'avait pas trop fait le rapprochement avec ce qu'avait fait Knauf avec ses divinités pré-islamiques. Je pense en effet que c'est la solution de Wellhausen qui est la meilleure. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, ces noms divins construits avec une conjugaison préformante sont dans le monde sémitique plutôt rares et s'appliquent plutôt à des dieux mineurs. Les parallèles qu'on a, le Yahout et le Yaku, sont en effet souvent en forme courte, apocopée, pas en forme longue, comme c'est le cas pour Yahvé. Alors ça, c'est en effet des problèmes qu'on doit nommer, mais est-ce que ces problèmes sont suffisamment forts pour exclure ce rapprochement? Je ne le pense pas, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres solutions plus plausibles. Il est tout à fait, par contre, possible que, à partir du premier millénaire, cette étymologie n'a plus été comprise et qu'on a donc fait un rapprochement avec la racine haya, être, tel que c'est le cas en Exode 3. Mais, et ça j'aimerais vous le montrer maintenant, la question de l'origine géographique et de la fonction de Yahvé, en fait, donne plutôt du crédit à cette étymologie-là. Donc Yahvé, c'est celui qui souffle, qui amène le vent, qui est le dieu du vent et de l'orage. Et maintenant, nous devons nous poser la question, mais d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? Si vous prenez la Bible de nouveau, c'est assez simple. Bon, il y a deux choses. C'est assez simple. Yahvé habite d'abord au Sinaï. C'est là que Moïse arrive quand il se perd en s'occupant des brebis de son beau-père Madianite. Il arrive à la montagne de Dieu, à l'Horeb, un autre nom pour le Sinaï. Mais dans un autre texte, Yahvé semble être aussi présent en Égypte. Puisque en Exode 6, c'est un texte que nous avons vu la dernière fois, en Exode 6, c'est en Égypte que Dieu se présente à Moïse pour lui annoncer que dorénavant, c'est sous son nom de Yahvé qu'il faut le vénérer. Ça, c'est l'attestation biblique. Il y en a bien sûr d'autres, mais je voudrais juste maintenant vous montrer la grande variété des Yahvé qu'on a trouvé un peu partout dans le Proche-Orient, si on fait abstraction de la Bible. On a trouvé des Yahvé un peu partout. Alors, ça commence avec Ebla. Alors, vous connaissez peut-être le site Ebla, d'Ebla, donc en Syrie, ville très importante, au troisième millénaire jusqu'au deuxième. Les textes qu'on a trouvés en éblaïte, donc une nouvelle langue, suite aux fouilles menées par les Italiens, les archéologues de l'Université de Rome, Ces textes concernent plutôt le troisième millénaire, alors que les constructions et les objets d'art, plutôt le deuxième, peu nous importe pour le moment. Seulement dans cette langue héblaïte, dont la compréhension exacte n'est toujours pas assurée jusque dans son dernier détail, on constate que c'est donc une écriture en cunéiforme, et donc on ne sait pas toujours très bien comment il faut le lire. Et donc voilà, Ebla, vous voyez, pas trop loin d'Ougarit, dont je vais vous parler dans un moment. Un des savants qui s'est donc occupé du déchiffrement des textes d'Ebla, Pettinato, Giovanni Pettinato, a en effet pensé qu'il aurait trouvé Yahvé à Ebla, puisque, selon lui, dans certains noms de personnes, on trouve en terminaison la syllabe Yah. Et ça, vous le trouvez peut-être encore parfois dans des publications. Seulement, c'est faux. Donc là, on peut dire que c'est faux. Ça m'a été confirmé aussi par M. Durand, donc vous pouvez aussi le demander. Donc, cet idéogramme, il ne faut pas le lire « ya », mais il faut le lire « li ». Alors là, donc, du coup, ça change tout. Et d'ailleurs, on ne trouve jamais un dieu « ya » dans aucune liste de sacrifices. Donc, je pense que le dossier Ebla, on peut vraiment le fermer une fois pour toutes, au moins qu'on trouve des nouveaux textes. Voilà, alors passons de Ebla à Ougarit. Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Alors, Ougarit, donc, évidemment, ville très importante, plutôt deuxième millénaire, jusqu'à sa disparition vers 1200, nous a fourni aussi toutes sortes de tablettes, des découvertes passionnantes qui continuent à être faites. Et là, il y a un texte, pour le moment, un seul texte, donc KTU 114, où ça dépend pour Ougarit, on ne s'est toujours pas mis d'accord de la manière de citer les textes d'Ougarit, ce qui ne facilite pas les choses. Les Français ont leur système, les Allemands ont essayé d'imposer un autre, mais c'est plutôt le KTU, le Keilschriftliche Text aus Ugarit, qui est en train donc de devenir le standard, malheureusement. Donc, dans cet poème très fragmentaire qui semble faire allusion à un banquet où il convoque ses fils, d'autres dieux, sa femme, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit vraiment. Donc vous voyez l'état fragmentaire de la tablette. On trouve en effet dans la ligne 14, ici, le nom Shamu de mon fils. Et là, on a Yod et W. Yav. Yo. Et ensuite, quelque chose comme Dieu, il ou Elat comme déesse. Donc on pourrait traduire, donc c'est un discours de El, le nom de mon fils, c'est Yah ou Yahou. Alors, on aurait là, si on veut faire le rapprochement, une attestation de Yahvé. Si c'est Yod W, s'applique à Yahvé. C'est une histoire compliquée, mais disons, qu'est-ce qu'il parle en faveur de cela ? En faveur de cela parle en fait un texte biblique. Et un texte biblique dans le livre de Deutéronome, où Yahvé semble en effet être compris comme étant un fils de El. Je vous montre ce texte, un texte qu'il faut reconstruire pour arriver à cette compréhension. Le texte actuel, donc édité par le Masoret, ne dit pas ça. Le texte actuel dit « Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. » En effet, l'héritage, l'apanage de Yahvé, c'est son peuple, Jacob, la part qui lui revient. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Texte un peu curieux. Pourquoi il fixa les nombres des nations suivant les nombres des fils d'Israël ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas très clair. Par contre, si on se base sur un fragment de Qumran, mais aussi sur la traduction faite par la Septante, disons par ceux qui ont traduit le Pentateuque en grec, on peut reconstruire un texte assez différent. Là, ça donne quelque chose comme quand Élion, le Très-Haut, donna les nations à héritage, quand il repartit les hommes, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils de Él. Et la part de Yahvé et son peuple, Jacob, est sa part attribuée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en effet, on sait, dans les textes d'Ougarit, Él a 70 fils. Et l'idée ici, si le texte primitif se tient, ça veut dire lorsque Él a créé le monde et les peuples qui y habitent, il a donné à chaque peuple, ou à chacun de son fils, il a donné un peuple, il a attribué un peuple. Et à Yahvé, il a donné le peuple d'Israël. Ce qui fait tout à fait sens. Alors ce texte va bien avec le texte d'Ougarit. Si Yahvé ou Yahou apparaît là comme nom de Yahvé. Cela étant dit, il faut quand même rappeler que c'est un texte très fragmentaire, que un dieu YHWH n'est nulle part attesté par ailleurs à Ougarit, qu'il ne joue aucun rôle ailleurs, on ne l'a pas découvert ailleurs, donc ça reste quand même très spéculatif. C'est pour cela d'autres, notamment André Caco, qui s'est beaucoup occupé de ce texte, qu'il a édité, qu'il a traduit, a plutôt proposé un rapprochement de ces dieux-là avec un dieu Yehou, qui est mentionné chez Sankyonyaton, donc qui a en effet écrit une histoire de la Phénicie, mais qu'on a simplement chez Eusèbe, n'est-ce pas? Et chez Eusèbe, on peut lire que cet historien a composé, entre autres, une histoire des Juifs, et à cet égard, il a reçu, entre autres, des mémoires d'un prêtre du dieu Yehou. Alors, est-ce que c'est Yahvé? Mais en fait, comme il est à Beyrouth, on apprend dans le même passage de Eusèbe que Beyrouth appartient à Poséidon. Donc Yehou pourrait être une sorte de dieu de la mer à ce moment-là et pas Yahvé. Et alors à ce moment-là, on pourrait imaginer que dans le texte ougaritique, le Yod Vav est simplement ce que suggère Kako, une allographie, une autre écriture pour Yamou. Parce que Yam, c'est en effet une divinité représentant la mer qui très très fréquemment, en effet, attestée à Ougarit. Et dans la ligne suivante, en effet, dans la ligne 15 de ce texte que je viens vous montrer, dans la ligne 15, tout de suite après, on a en effet Yam. Donc, il y a soit peut-être simplement erreur d'écriture ou deux manières ici de se référer à Yam. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avec le dossier ougaritique. Bien qu'on a fait pas mal d'histoires avec ça, ce n'est pas totalement exclu, mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas d'autres attestations. Et donc, du coup, avec des textes fragmentaires, il faut être prudent. Marie, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir puisque je viens vous parler de toutes ces formes verbales, mais qui en fait n'ont pas de lien avec une divinité Yahou ou Yahvé. Donc pour le moment, notre enquête est plutôt négative, sauf peut-être avec une petite hésitation pour Ougarit. Alors qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque l'Égypte, il nous manque aussi la Bible. Alors, l'Égypte. L'Égypte est très intéressant à plusieurs égards. Alors, tout récemment a été publié un papyrus du XIIIe siècle qui, en fait, comporte un nom propre avec l'élément « ya ». Un nom propre qu'on pourrait translittérer. Donc l'éditeur Schneider pense qu'il s'agit en effet là d'un nom cananéen translittéré en égyptien et qu'on pourrait en effet reconstituer en hébreu, si vous voulez, Adoni Roé Ya. Mon Seigneur est le berger de Ya. Alors, si on peut faire un rapprochement avec Yahvé, ce que suggère l'éditeur, il y a un problème qu'on aurait là un théonyme à trois éléments, ce qui n'est pas très, très fréquent. Hein. Mon Seigneur est le berger de Yah. C'est pas très... Et d'ailleurs, comment un seigneur peut être le berger d'un autre dieu? Donc c'est un peu compliqué tout ça. Possibilité, alors, c'est de comprendre Yah dans ce texte comme un toponyme ou comme le nom d'une tribu, donc un nom géographique ou un nom collectif. Et cela, en fait, cela permet de faire un lien avec les fameux chassou de Yahvé. C'est les chassou, bah, vous les connaissez, c'est des groupes nomades, donc ce n'est pas un nom d'un groupe précis, ce n'est pas un nom ethnique, hein, c'est un nom plus sociologique. La racine, probablement, veut dire traverser, errer, aller, et donc qu'on a utilisé pour construire le nom des groupes qui, justement, se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas stables, qu'ils bougent, donc pour des nomades. Et on a en effet plusieurs attestations qui sont intéressantes dans ce contexte. On a une inscription du pharaon Amenophis III au Soudan, donc à Soleb, où on peut lire quelque chose qu'on peut traduire par « pays des chassou Yahou » ou « Yahvé Yahou » dans le pays des chassou. Donc voilà... l'endroit, pour que vous ayez une idée. Et donc, là, Yahvé ou Yahou semble être un nom géographique ou un nom tribal, divinisé, peut-être. En effet, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, que les noms d'un endroit ou même d'un groupe peuvent être divinisés. Et on a, en effet, plusieurs de ces attestations des... de chassou Yahvé. Donc ici, donc, on l'a à Soleb, dont je viens vous parler. Il y en a d'autres, donc il y a des chassou qui sont en fait désignés différemment. Mais on a surtout une liste à Amara Ouest, donc dans la Haute-Nubie, dans le pays de Kouch, hein, qui a été en fait, à partir du règne de Séti Ier, le centre donc pour l'administration en fait du sud, où on a en effet toute une liste ici qui dénomme, qui en fait regroupe toutes sortes de chassou. Donc, ça commence avec les chassou, le pays de chassour de Séhir. Et ensuite, certes, noms ne sont pas très connus, mais ce qui est intéressant ici, évidemment, on retrouve de nouveau les chassou de Yahou. Et on peut imaginer que Séhir est une sorte de titre pour l'ensemble de cette liste qui suit. Alors, qu'est-ce que nous savons de ces chassou? Donc, selon cette liste, bah, on sait déjà qu'ils sont dans le sud. On reviendra sur la question où exactement cela se passe dans un petit instant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire autre sur ces fameux chassou? Alors, nous avons quelques inscriptions, quelques papyries qui, en fait, les mentionnent dans différentes circonstances. Donc, dans le papyrus Anastasie 6, on va en effet donc ici les chassous d'Édom. D'ailleurs, c'est la première attestation de Édom en dehors de la Bible, dont on dit en fait qu'on les a laissés passer suite à une autorisation donnée par le pharaon Merneptah. Donc nous avons fini de laisser les chassous d'Édom passer la forteresse de Merneptah qui se trouve à Sukkot et ainsi de suite. Donc là, on voit en effet que ces chassous dont il est question ici, ils ne sont pas en Égypte, ils viennent de Édom et ils essaient d'entrer dans le pays d'Égypte. Et ici, pour toutes sortes de raisons, on les laisse entrer. Un autre papyrus, un peu plus tard, donc de l'époque de Ramsès IV, mais où en fait on raconte les exploits de Ramsès III, là, la relation est différente. Là, en fait, Ramsès III se vante d'avoir détruit ce Hir parmi les tribus de chassous et j'ai pillé leurs tentes avec leurs gens, leurs biens et leurs troupeaux sans nombre. Ils ont été faits prisonniers et ont été déportés comme butin tribu d'Égypte. Donc là, on voit deux choses. On voit évidemment que la relation ici n'est pas pacifique, mais on voit aussi qu'ils sont apparemment assez riches, hein, parce que leurs biens, leurs troupeaux sont nombreux. Donc ce n'est pas des petits nomades pauvres qui, en fait, doivent quémander un accès aux richesses d'Égypte. Donc là, on les présente plutôt comme des gens puissants et comme des gens économiquement aisés. Et cela va s'expliquer. On a, dans un temple d'Amon à Karnak, une représentation des campagnes palestiniennes du pharaon Séti Ier, donc du XIIIe siècle, qui en fait se bat contre toutes sortes de peuples. Et vous avez ici vous avez les chassous. Les chassous qu'on reconnaît parce qu'ils ont toujours le torse nu, les cheveux souvent tenus avec une sorte de bande et souvent un bouc donc barbu. Si vous voulez un détail, voilà. Voilà un chassous. Donc, ce combat contre les chassous montre leur importance. Donc, ce n'est pas un petit groupe négligeable, au contraire. Ils ont apparemment lié, puisque ça se passe dans les régions, ils sont apparemment liés au commerce de cuivre. Au commerce de cuivre qui se passe dans la vallée de Timna, à 30 km à peu près au nord-ouest du golfe d'Aqaba d'Elat, où en effet on a trouvé donc des vestiges d'une exploitation minière, donc des tunnels, des galeries dont on a apparemment aux alentours du XIVe jusqu'au XIIe siècle extrait de cuivre, la fabriquer, la traiter, et apparemment ça s'est fait donc en collaboration entre les chassous et les Égyptiens. Donc c'est là le point de contact. Donc si vous voulez une autre vision. Donc ces chassous étaient apparemment impliqués dans l'exploitation minière du cuivre dans la région de l'Araba, dans les siècles qui signifient le passage de l'âge de bronze vers l'âge de fer. Et là, c'est quand même tout à fait intéressant, puisque vous avez là un groupe nomade dans le sud, ou des groupes nomades, plutôt des groupes nomades, dont un a peut-être eu une divinité tutélaire de nom de Yahou. Après, la question, c'est comment cela, ce petit groupe a fait passer cette divinité pour que ça devienne Yahvé, Dieu d'Israël. Ça, on verra un peu plus tard. Mais pour le moment, que dit la Bible par rapport à cette localisation de Yahvé, Yahou, dans le sud? Il y a quatre textes qui sont d'une très grande importance. Malheureusement, ces quatre textes, dont la traduction n'est pas toujours très simple, mais je vais vous les présenter d'abord. Le premier nous vient de la fin du Deutéronome. Donc, tout à l'heure, nous avons vu Deutéronome 32. Là, nous avons Deutéronome 33, avant-dernier chapitre du Pentateuque, où Moïse, avant de bénir les 12 tribus, avant de mourir, prononce une sorte de psaume. Donc, on ne sait pas si c'est un psaume ancien, un psaume récent, datation très compliquée, où il dit, en fait, Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, donc pour eux, c'est probablement les tribus qui vont être mentionnées dans la suite, pour eux, il a brillé, il a resplendi de Séhir. Alors, souvenez-vous, on a vu les chassous de Séhir tout à l'heure aussi. Il a resplendi depuis le mont de Paran. Il est arrivé à Meribat de Kadesh. Alors là, c'est très compliqué, je vous passe les détails. Le texte massorétique ne fait pas de sens. Le texte massorétique dit quelque chose comme « il est venu dans des saints myriades » ou « dans des myriades de saints ». Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais déjà la Septante a compris ce que les massorètes ont vocalisé comme « Kodesh » plutôt comme se référant à « Kadesh », ce qui est probablement juste. Donc, il faut plutôt corriger en Meriba Kadesh, parce que Meriba Kadesh, c'est un nom bien attesté, nous en reparlerons, et qui, en effet, n'est pas trop éloigné du contexte géographique. Donc, le texte massorétique, à la fin, est tout à fait obscur. Il dit quelque chose comme « de sa droite sort un feu de loi ». Avec un nom d'imprunt perse, date, pour désigner la loi. Ça pourrait être une sorte de retravail des massorètes. Donc, il faut probablement traduire quelque chose comme « de son midi vers les pentes », donc là où est justement le passage des montagnes vers la plaine pour eux. Mais c'est un texte très compliqué. Mais de toute façon, pour la deuxième partie, on peut s'en ficher un tout petit peu. Ce qui est important ici, c'est Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, il a brillé de Séhir. Donc on met en parallèle Sinaï et Séhir. Ça, c'est important dans ce texte. Deuxième texte, donc, c'est Juge 5. Juge 5, j'y reviendrai, c'est le cantique de Déborah. On va voir ça dans un petit moment, où elle chante, entre autres, « Yahvé, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças depuis le pays d'Édom, la terre trembla, le ciel ruissela, les nuages ruissellèrent d'eau. Les montagnes s'enfuirent devant Yahvé, et après vient quelque chose de très curieux, « Zé-Zinaï », donc littéralement ce Sinaï, il faut voir comment il faut comprendre ça, ce qu'on veut identifier ici Yahvé au Sinaï, devant Yahvé, le Dieu d'Israël. Donc je pense qu'il faut bien lire les montagnes et s'enfuir et pas être secoué comme ça c'est présupposé par la Septante, mais ça ne change pas beaucoup de sens. Donc il y a une sorte d'arrivée de Yahvé, de Séhir, depuis le pays d'Édom. Et l'ensemble, en fait, de la nature est en ébullition. Les montagnes s'enfuient, tremblent, les nuages donnent de l'eau, et donc pour, en effet, accompagner cette arrivée de Yahvé. Troisième texte, le psaume 68. Ô Dieu, donc ça, c'est pas Yahvé, c'est Elohim, quand tu sortais à la tête de ton peuple, quand tu t'avanças sur la terre aride, terre aride, c'est un mot rare qui est souvent vocalisé comme un nom propre, Il reviendra. La terre trembla, vit le ciel ruissela devant Dieu. De nouveau, ce Sinaï, devant Dieu, Elohim, l'Elohim d'Israël. Les chars de Dieu se comptent par vingtaines, donc un peu plus loin de milliers, par milliers, par milliers. Le Seigneur, mais pas Yahvé, mais Adonai, est parmi eux. Sinaï, tout seul, Sinaï, est dans le sanctuaire. Donc là aussi, parfois, on veut corriger le texte massorétique, qui est peu clair, pour dire qu'il est venu du Sinaï, mais il n'y a pas de manuscrit qui atteste cette correction. Donc je pense qu'il faut se méfier. Et le dernier des trois textes se trouve chez le prophète Habacuc, à la fin, chapitre 3. Habacuc 3 et 10a. Dieu, ici dit Eloah, pas Elohim, Eloah, vient de Théman. Le saint vient du mont Paran. Son éclat couvre le ciel, sa louange remplit la terre. Et un peu plus loin, les montagnes te voient et tremblent. Voilà, nous avons ici quatre textes. Si on les met ensemble en synopse, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont en commun plusieurs choses. Ils disent en fait que Yahvé vient d'où ? Il vient de Séir, de Édom, il vient de Théman, de Paran. Il y a le Sinaï chaque fois. Où est-ce qu'il est, Sinaï ? Seulement là, il n'y est pas. Et il y a, quoi encore ? Il y a sorte de manifestation de la nature, tremblement de terre, des montagnes qui s'enfuient, les cieux qui ruissellent. Donc il y a dans les quatre une sorte de théophanie, d'apparition de Dieu. Ce qu'on peut encore dire, autre chose, c'est que les quatre textes sont tous dans, non pas dans des narrations, hein, c'est chaque fois des contextes poétiques. On n'a pas une narration, hein, c'est chaque fois des psaumes, des poèmes. On juge 5, c'est le cantique de Déborah, sur lequel je vais encore dire quelques mots. Deutéronome, je vous ai dit, c'est un psaume qui encadre les bénédictions de Moïse. Psaume 68, bien sûr, un autre psaume qui va célébrer en fait l'intervention de Dieu dans un contexte de guerre. Et finalement, Habacuc 3, de nouveau un psaume d'un combat à la fois contre la mer et contre les nations. Donc en fait, vous pouvez aussi là encore faire une autre observation et un autre parallèle encore qui est intéressant. Les quatre textes, c'est dans un contexte plutôt, qu'est-ce qu'il faut dire, plutôt guerrier, si on laisse de côté Deutéronome 33, mais même Deutéronome 33, ce n'est pas totalement absent. Maintenant, autre question. Voilà, pour vous faire travailler un peu à l'heure de la digestion. Lesquels des quatre textes sont les plus proches ? Il y a deux textes des quatre qui sont particulièrement proches. C'est lesquels ? Qui a une idée ? Juge 5 et le psaume 68. Ces deux textes-là sont très très proches. Hein ? Je vous ai mis l'hébreu aussi, ils ont vraiment des expressions en commun, littéralement même. Donc, quand tu sortis, quand tu t'avanças, la terre trembla, le ciel ruissela, ce Sinaï est le Dieu d'Israël. Il y a une grande différence, ou deux différences si vous voulez, mais une première, je ne sais pas si vous pouvez l'observer, qui est la grande différence entre le texte de Juge et psaume, bien sûr, Juge 5 et psaume 68. Oui, alors ça, on va y revenir, très bien. Et il y a autre chose par rapport au nom divin. Là, il y a Yahvé en Juge 5, et en Psaume 68, il y a Elohim. Il y a Elohim. Mais ça, ça s'explique facilement, puisque les psaumes 42 à 83, en fait, font partie de ce qu'on appelle le psautier élohiste. C'est-à-dire, dans cette collection-là, c'est apparemment une collection indépendante à l'origine, on a remplacé, pas toujours, parce que si vous allez un peu plus loin dans le psaume 68, le tétragramme va apparaître, mais on a apparemment, ça on peut très bien le voir parce qu'il y a des psaumes parallèles qui sont attestés par ailleurs, on a remplacé à beaucoup d'endroits le tétragramme par Elohim. Pourquoi ? Ah, il y a toutes sortes de spéculations qu'on peut faire, par souci peut-être d'universalisme, par souci peut-être déjà d'éviter la prononciation de Yahvé, ça c'est possible, avant que les Massorètes soient intervenus, ça c'est possible. C'est une collection qui a été faite par les Azaphites, donc un groupe de Lévites, qui apparemment s'est aussi intéressé au chiffre 42. Hein, le chiffre 42, puisque c'est 42 psaumes, et apparemment à l'intérieur de ce psaume, ces 42 psaumes, on trouve 42 fois, mais ça, c'est, ça dépend quel manuscrit on prend, mais si on prend les bons manuscrits, on trouve 42 fois le nom de Yahvé aussi. Et 42, c'est aussi un chiffre qu'on trouve notamment dans des textes mésopotamiens, comme chiffre de césure. Quand vous avez des longs hymnes, il y a des césures après la ligne 42. Il y a aussi une collection, disons une sorte de catalogue, où on regroupe les titres de 42 autres hymnes. Dans le livre de mort, 42 apparaît aussi, mais plutôt comme chiffre négatif, 42 péchés dont il faut jamais, qu'il ne faut jamais avoir commis. Dans la Bible, 42 est aussi un chiffre de malheur. Élisée va tuer 42 gamins qui se sont moqués de sa, du fait qu'il avait peu de cheveux. Puis dans l'Apocalypse, 42 est aussi un chiffre négatif. Mais là, apparemment, ça devient... Bon, il y a peut-être des spéculations autour du chiffre 42. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Mais donc, ça explique pourquoi, en fait, au lieu de Yahvé, vous avez Elohim. Et donc, si vous restituez à la place de Elohim Yahvé dans ce psaume, ben, il est encore plus proche du psaume 68. Donc, on a vu, Yahvé sort, on s'adresse d'abord à Yahvé, à la deuxième personne, pour l'invoquer. Ensuite, on parle de lui à la troisième. On a vu le bouleversement du ciel et de la terre. Cette apposition Zé-Zinaï, qu'on n'a pas encore tout à fait résolue, et finalement, la différence, ce qu'on avait déjà évoqué. En Juge 5, on décrit une sortie de Yahvé depuis Séhir, alors que dans le psaume 68, il est question de la terre aride, avec ce mot donc très rare. Alors, comment expliquer ? Ah oui, donc on pourra encore se poser la question. S'il s'agit là d'une allusion au séjour des Hébreux dans le désert, comme on dit Pafa, quand tu arrivais dans les terres arides, mais pourquoi a-t-on choisi ce nom peu commun ? On aura plutôt attendu qu'on utilise Mitbar, donc je pense que ce n'est pas une bonne solution. C'est probablement plutôt cette opposition aridité et fertilité qui, d'ailleurs, comme nous allons voir, va jouer un rôle important. Alors, comment peut-on expliquer ces parallèles ? On pourrait dire que les deux textes dépendent d'une source commune, hein, d'un petit poème qu'on a repris dans les deux cas, ou on pourra aussi dire que le psaume 68 dépend de Juge 5, ou Juge 5 dépend de 68, parce qu'il y a quelques parallèles entre les deux, de manière plus générale, dans le psaume plus loin. Il y a cette question, resterez-vous couché au bivouac, ce qui peut rappeler pourquoi es-tu resté parmi les bagages dans le psaume. Il y a aussi l'armée céleste dans le psaume 68 et les combats des étoiles. Mais finalement, ces parallèles sont assez limités. Donc, on pourrait en effet imaginer que cet hymne théophanique a été un petit texte indépendant inséré dans les deux poèmes, ce qui n'est pas exclu. Là, maintenant, nous devons le regarder très brièvement par rapport au cantique de Déborah, parce que ce cantique de Déborah, c'est souvent réputé être le texte le plus ancien de toute la Bible. Alors vous avez, si vous avez suivi le cours sur Abraham, vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a plus trop envie de dater les textes bibliques des époques très anciennes. Alors souvent, le cantique de Déborah résiste un peu à cela. Donc beaucoup de gens pensent en effet qu'on aurait avec le cantique de Déborah le texte le plus ancien de la Bible. Donc ça, vous pouvez le lire chez vous, à la maison. C'est un texte intéressant, compliqué, j'y reviendrai. Mais on a évidemment aussi des gens qui disent que c'est le texte le plus récent de la Bible. Alors là, vous avez toute la panoplie. Des gens qui disent époque hellénistique, voire époque romaine. Bon, voilà. Donc là, on est vraiment dans des opposés qui couvrent plus qu'un millénaire au niveau de la datation. Pourquoi c'est si compliqué ? Parce que c'est un texte hébreu totalement atypique. Si vous voulez le traduire, il y a des thèses et des thèses et des thèses et des thèses pour traduire simplement ce texte, qui est très compliqué, donc je ne vais pas vous affliger ça, parce que c'est vraiment très, très complexe. C'est un hébreu inhabituel. Alors, soit c'est un hébreu très archaïque, ou c'est un hébreu archaïsant, ou un hébreu cryptique. On s'est amusé, si c'est un texte très récent, on s'est amusé à former des choses ou déformer des choses. Très difficile. C'est très difficile. Au niveau du phénomène, ce qu'on peut observer, juge 5, et la reprise poétique, au moins dans l'arrangement maintenant, la reprise poétique d'une narration qui précède, hein, d'un texte, un récit qui raconte comment Déborah, avec Barak, a vaincu le roi cananéen Sisra et son armée. Et ensuite, il y a une reprise poétique. Évidemment, on peut dire au début, c'est le poème qui a donné lieu ensuite au récit. Mais vous avez un phénomène tout à fait pareil entre Exode 14, où il y a une narration de la traversée de la mer avec justement l'engloutissement du pharaon et de son armée, alors qu'en Exode 15, vous avez un poème où on chante Yahvé qui a jeté dans la mer le pharaon et de son armée. Donc, même phénomène. Évidemment, le débat, c'est toujours de savoir lequel précède. Est-ce que c'est le poème qui a donné lieu à la narration, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que c'est la narration qui ensuite a inspiré un poète qui a mis tout cela en vers ? Voilà, question. Je ne sais pas si je peux vous apporter une réponse définitive, mais on va essayer quand même de dire quelques mots avant la fin. Peut-être justement pour ceux qui pensent que c'est un récit très très récent, on a Garbini qui dit en fait c'est un récit purement construction mythique se basant sur la mythologie grecque. Alors lui, il dit Déborah, ça c'est vrai, Déborah c'est l'abeille. Et Mélissa en grec. Yaël c'est la chèvre. Et vous connaissez peut-être ce récit grec où le jeune Zeus, en fait, a été donc nourri par Mélissa, et Amalthéa. Et Amalthéa, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allait le jeune Zeus. Comme Yaël, la chèvre, qui donne du lait à Sisra, mais pas pour l'élever, mais pour le tuer. Voilà, donc Arbinidis, c'est simplement un retournement d'un mythe grec. Alors, c'est en effet, les rapprochements sont intéressants. Cela étant dit, Amalthéa ne veut pas dire la chèvre en grec. Et puis, il y a tout le centre du poème qui n'est pas pris en considération. Donc, je pense, même si c'est un rapprochement intéressant, ça n'explique pas tout. C'est en effet un cantique très, très complexe. Un cantique très complexe qui, en fait, commence par un impératif qui ensuite a cette théophanie qui est succédée par la description d'une situation de détresse qui va mener à la guerre, un autre impératif, ensuite un appel au commandement d'Israël, un impératif de nouveau adressé à Déborah, et ensuite la description du comportement d'un certain nombre des tribus. Il y a ceux qui s'engagent dans la bataille, et il y a ceux qui sont hésitants, qui ne participent pas, qui restent chez eux. Et ensuite, dans une deuxième partie, la bataille est décrite, Sisra qui s'enfuit, les étoiles se mêlent, les ennemis périssent, et l'histoire de Yaël, femme de Héber, un Kénite, qui va tuer, ça vous connaissez l'histoire, qui va tuer, une sorte de première Judith qui va tuer en fait Sisra qui se réfugie chez elle et qui ne va pas hésiter de, en prétextant de lui donner du lait, le tuer. Et ça se termine avec l'inquiétude de la mère de Sisra qui est à la fenêtre et qui attend le retour de son fils qui ne revient pas. Un texte voilà, très très long, c'est pas sûr que c'est un texte qui a été écrit d'une seule trait, hein, parce qu'il y a des choses très, très différentes. Voyez aussi que Zabulon est mentionné ici et en, de nouveau au 18, c'est le seul qui est mentionné deux fois, donc on pourra se dire que là, en fait, le texte premier est peut-être passé directement là. Que tout ce qui est dedans a été ajouté parce qu'on trouve des parallèles avec ça dans la Genèse au chapitre 49 où on donne des caractéristiques de certaines tribus, c'est probablement repris de là. Donc en fait, la solution, ce n'est pas de dire que le texte est soit très ancien ou soit très récent, c'est un texte qui s'est mis, en fait, qui s'est construit durant des siècles, qui s'est construit durant des siècles avec des éléments différents. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs étapes et on pourrait reconstruire peut-être, comme le fait Pfeiffer et d'autres, un premier récit autour, justement, de la bataille au verset 12, ensuite avec, justement, Zabulon et Nephtali, et finalement la fin de la bataille, avec, oui ou non, l'intervention de Yaël. À ce moment-là, on pourrait en effet dire que nous avons peut-être un premier récit qui vient de l'époque, pas tellement des juges, mais au début de la monarchie. On a ce thème de la femme à la fenêtre. C'est un thème iconographique qu'on connaît bien chez les Assyriens, souvent une déesse ou une reine qui se penche de la fenêtre et qui regarde ce qui est justement derrière. Donc on pourrait imaginer que c'est un texte qui a été composé à partir des fragments plus anciens. Et un des fragments plus anciens, ça pourrait être justement ce petit hymne théophanique où Yahvé vient de se hire. Et nous allons voir la semaine prochaine, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le Sinaï se trouve à Édom? Ou est-ce que ça signifie que Yadon, que Yahvé est un dieu édomite? Peut-être que oui. Nous allons le voir la semaine prochaine et ensuite, nous devons nous poser une autre question, à savoir comment ce Yahvé, dieu localisé quelque part à Édom, peut-être. Comment ce Yahvé est-il arrivé auprès des Hébreux? Là, la Bible parle des Madianites. Alors, qui sont ces fameux Madianites? Peut-être c'est eux qui ont apporté Yahvé aux Hébreux. Ça, nous allons le faire dans la suite. Donc d'abord, nous allons en effet terminer notre enquête sur la localisation de Yahvé, aussi sur ses caractéristiques, pour ensuite poser la question ensuite, comment ce Yahvé a-t-il fait la connaissance des Hébreux ou comment les Hébreux ont-ils fait la connaissance de ce Yahvé. Voilà, tout cela la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.